dir venir. Il veut dire encore, maître Pastia. Il dit que le corregidor veut que l'on ferme l'auberge. Eh bien, nous partirons. Vous viendrez avec nous. Non, pas nous, nous restons. Et toi, Carmen, tu ne viens pas. Écoute, ne me dis-tu pas, tu m'en veux. Vous en vouloir, pourquoi? Ce soldat l'autre jour emprisonné pour toi. Qu'a-t-on fait de ce malheureux? Maintenant il est libre. Il est libre, tant mieux. Bonsoir, messieurs, vos amoureux. Bonsoir, messieurs, vos amoureux. Menado flambeau, c'est le vainqueur des courses de Granada. Voulez-vous avec nous boire, mon camarade, à vos succès anciens, à vos succès nouveaux.